Chapitre 24e. Caribe des Scylla. Franz Kreuz s'était trop vanté quand il avait parlé avec une complaisance si singulière du pommeau de son poignard. De plus, son bras, affaibli par la blessure qu'il avait reçue, avait mal servi sa vengeance. Lorsque le froid du matin fit sortir Magnus de son long évanouissement, il était encore couché dans la rue. Il se souleva lentement, promena un regard atone autour de lui, et porta la main à sa tête où il éprouvait une vive douleur. Il la retira pleine de sang. Le souvenir de ce qui s'était passé la veille lui revint en partie. « Le sot coquin. Il croit qu'on tue Magnus comme un autre. S'il avait piqué à la gorge, à la bonne heure, là, le fer trouble l'artère et... » Il s'arrêta et poussa un cri terrible. La mémoire venait de lui revenir tout entière. « Il a pris la bague, » reprit-il. Et d'un bond, il se dressa sur ses pieds. Pendant un instant, ses yeux cherchèrent sur le sol. « Ah, les bandits » s'écria-t-il. « Ils l'ont prise, et je suis vivant !» Magnus poussa un hurlement farouche, le hurlement de la bête fauve à qui l'on vient d'enlever ses petits. « En voilà un que je tuerai !» reprit-il. Puis, bien sûr que la bague n'était pas par terre, il se dirigea à grandes enjambées vers la prison de Monsieur de la Guerche. Arnold de Bray hésitait d'abord à l'introduire auprès du prisonnier. Le maréchal du palais avait fait son rapport, la justice était saisie. Monsieur de la Guerche devant être, dans la journée même, conduit devant le tribunal, toute communication avec l'extérieur lui était interdite. C'était une question de discipline militaire. « Si vous ne voulez pas qu'un vieux soldat meure déshonoré, laissez-moi entrer, » reprit Magnus. L'officier regarda Magnus attentivement. Le désespoir empreint sur ce visage mâle et balafré le toucha. « Eh bien, entrez, je prends tout sur moi, » répondit-il. Un guichetier conduisit Magnus, par de longs détours, devant une porte de fer qui s'ouvrait sans bruit sur des gonds invisibles scellés dans le granit. Armand Louis était assis devant une petite table de bois blanc placée sous une lucarne d'où tombait, entre d'épais barreaux, une pâle clarté. La chambre était propre et voûtée. On n'y voyait pas d'autres meubles que cette table, une chaise et un lit. Une Bible était ouverte sur la table. « Déjà ?» s'écria Monsieur de la Guerche en voyant Magnus. Magnus découvrit son front sanglant. « Monsieur le comte, frappez-moi, méprisez-moi, tuez-moi. Dites que je suis un misérable, un bandit. Je ne me plaindrai pas. Votre bague, eh bien, je ne l'ai plus, et je ne suis pas mort. » Armand Louis devint livide. « Ah, c'est le dernier coup, » murmura-t-il. Mais ce premier moment donné à la surprise, Armand Louis releva son front pâle et posant le doigt sur une des pages du Livre Saint, « Dieu est le maître, » dit-il. « Et vous ne me maudissez pas? Vous ne me crachez pas au visage? Vous ne m'appelez pas traître et félon? Vous ne m'arrachez pas ce qui me reste de vie? » s'écria Magnus. « Si tu as fait ton devoir, je te pardonne. Si tu as été malheureux, je te plains, » reprit Monsieur de la Guerche. « Regardez, » répondit Magnus. « Ils m'ont surpris lâchement la nuit, comme des loups qui vont en chasse, quatre contre un. Ils m'ont terrassé, ils m'ont étranglé, ils m'ont frappé. J'ai cru sentir dans mes veines le frisson de la mort. Ah, que n'étais-je mort, en effet, les misérables! J'étais bien sûr qu'on avait remué dans le taillis tandis que vous me parliez, et je me suis laissé tromper, moi, un vieux renard. Ah, je les tiendrai sous mon épée un jour, mais vous, vous !» Deux larmes tombèrent sur les joues basanées du vieux soldat. « Console-toi, Magnus, et va en paix. La vie n'est-elle pas une bataille, et ne sommes-nous pas soldats tous deux ? Que j'aille en paix ? J'irai par le monde, comme une bête fauve, jusqu'à ce que je vous ai vengé. » Magnus fit deux ou trois pas à l'aventure, froissant ses rudes mains l'une contre l'autre. « Ainsi, vous me pardonnez ? » reprit-il. « Oui, et la meilleure preuve que je puisse t'en donner, c'est que je veux te charger d'une mission nouvelle. Est-ce une mission qui peut vous tirer de ce cachot ?» Armand Louis secoua la tête. « Alors chargez-en un autre. J'ai dit que je verrai le roi. Je le verrai. Ah, j'ai déjà perdu trop de temps. » Magnus étancha avec un mouchoir le sang qui coulait de sa blessure sur ses yeux et l'aveuglait, boucla son ceinturon avec le geste d'un homme qui est prêt à tout risquer et fit deux pas vers la porte. Un geste d'Armand Louis l'arrêta. « Mais à qui veux-tu que je confie cette mission? Si tu refuses, je ne vois personne qui veuille l'accepter. s'écria M. de la Guerche qui réfléchissait. « Personne ? S'il s'agit, comme je le suppose, d'un message à faire parvenir à Mademoiselle de Souvigny, Arnold de Braille, qui vous garde, s'en chargera. Il est jeune, les choses du cœur sont son affaire. C'est un homme dont la figure est franche et loyale. Il verra cette Adrienne que vous aimez. Mais moi, je veux être libre, je veux que vous viviez, je ne veux pas que votre sang retombe sur ma tête, et pour cela je n'ai pas trop de toutes mes heures. Que comptes-tu faire ? Et le sais-je ? Mais si le courage, le dévouement, la volonté déterminée d'un homme peuvent quelque chose, je vous sauverai. » En sortant de la prison, l'âme soulagée par le pardon de M. de la Guerche, mais plus enracinée encore, si c'est possible, dans la pensée de l'arracher à la mort, Magnus prit le chemin du palais du roi. Il ne savait pas comment il pénétrerait jusqu'à lui. Ce qu'il savait seulement, c'est qu'il voulait le voir et que rien ne lui coûterait pour y parvenir. En arrivant dans la vaste cour qui s'étendait devant le perron du château, il vit une grande foule rassemblée. Une escorte de cavalerie s'alignait en dedans du cercle formé par des sentinelles. Presque au même instant, le roi Gustave Adolphe parut au sommet du perron, botté et éperonné. Magnus voulut fendre la foule qui s'écartait devant la vigueur de ses coudes. « On ne passe pas !» lui cria une sentinelle. « J'attendrai qu'il soit près de moi, je ne ferai qu'un bond et je tomberai à ses pieds, » pensa Magnus. Le roi monta à cheval et prit le galop. L'escorte s'ébranla et le suivit. Mille exclamations le saluèrent. « Que Dieu bénisse le roi et le protège !» cria la foule enthousiasmée. « Où va le roi ?» demanda Magnus, qui s'apprêtait à prendre son élan. « Notre bien-aimé Gustave Adolphe ?» répondit un bourgeois. « Oh, il ne perd pas une minute depuis que la Providence lui a inspiré la sainte pensée de délivrer nos frères d'Allemagne. Il va inspecter à 10 lieues d'ici 2 régiments de cavalerie de formation nouvelle. Il quitte donc Karlskrona, mais sans doute il y rentrera ce soir. Oh que non ! Le roi rassemble des troupes à Elfsnab. Il ira les inspecter et après... » Mais déjà, Magnus n'écoutait plus. Gustave Adolphe n'emportait-il pas la vie de M. de la Guerche suspendue à la croupe de son cheval ? Lui parti, où trouver le capitaine des gardes ? Où découvrir le mystérieux comte de Wasaborg ? Renversant tout autour de lui, bousculant la sentinelle qu'il avait maintenue à son rang et prenant sa course à travers la place, Magnus se précipita à la poursuite du roi. Gustave Adolphe venait de tourner l'angle d'une rue au bout de laquelle s'ouvrait un passage voûté. Il s'y trouvait souvent une grande foule, et Magnus avait l'espoir de l'atteindre avant qu'il eût débouché sur la campagne. Un équipage d'artillerie passait justement sous la voûte. Magnus redoubla de vitesse. Il voulut crier, mais sa voix se perdit dans le tumulte de 50 roues et de 300 chevaux écrasant les pierres du chemin. Un instant, l'escorte du roi s'arrêta. Magnus sentit ses forces renaître. Les obstacles qu'il ne pouvait pas tourner, il les franchissait. Déjà, il distinguait les traits du roi. « Oh mon Dieu » dit-il, « encore 3 minutes !» Mais l'officier qui commandait le train d'artillerie donna un ordre. Les canonniers se rangèrent avec leurs pièces sur les bas-côtés de la route, et le roi, avec son escorte, s'engouffra sous la voûte où les cavaliers passèrent comme un torrent. Magnus frissonna et courut plus vite. Sa poitrine haletait, sa gorge était aride et brûlante, le souffle allait lui manquer. « Le roi ! Le roi » cria-t-il d'une voix épuisée. Le son fut emporté dans 1000 bruits retentissants. Il fit un effort, sauta par-dessus un lourd canon qui obstruait le passage, arriva sous la voûte, l'enfila comme un boulet au milieu d'un tonnerre d'imprécations et, sans regarder ceux qui le heurtaient et renversaient, bondit sur la route. Le cortège du roi n'était plus qu'un tourbillon roulant loin dans la campagne. Un nuage passa devant les yeux de Magnus. Il sentit battre ses tempes et siffler ses oreilles. Un cri expira dans sa gorge. Il fit quelques pas encore en chancelant et tomba au pied d'une borne où il se mit à sangloter. Les femmes qui arrivaient des champs s'arrêtaient étonnées de voir un soldat à barbe grise et l'épée au flanc pleurer comme un enfant. Quand il releva la tête, il les aperçut rangées autour de lui. L'une d'elles lui présentait un verre d'eau. « Oui, je pleure, leur dit-il, parce que mon maître est perdu. » Le son de sa voix sembla le réveiller comme d'un songe. « Perdu ? » reprit-il. « Non, pas encore. » Il avala une gorgée d'eau et remerciant la femme qui lui avait présenté le verre. « Si vous avez un frère, un mari, un fiancé, dit-il, priez Dieu pour un jeune homme qui s'appelle Armand Louis de la Guerche. » Et d'un pas résolu, Magnus rentra dans la ville. Il venait de se souvenir subitement d'Abraham Cabellio et de sa fille Marguerite. « Là, peut-être, le salut, » pensa-t-il. Le père avait sauvé M. de la Guerche, mais M. de la Guerche avait sauvé la fille. Auquel des deux fallait-il d'abord s'adresser ? Abraham était l'un des plus riches marchands de la Suède. Ardent calviniste, il avait à ses frais armé 10 navires pour le service du roi. À ce titre, il devait avoir un grand crédit auprès des ministres. Mais Marguerite était liée avec cet invisible comte de Vasaborg, qui avait toute liberté de s'approcher du roi en tout lieu, à toute heure. En outre, Marguerite était une femme, et une femme qui aimait. « Bon, » dit Magnus qui réfléchissait tout en marchant. « Abraham parlera, Marguerite agira. Là est une tête, ici un cœur. Donc, à Marguerite. » Il courut à son hôtellerie, sauta sur son cheval et partit à fond de train. Au nom de M. de la Guerche, les portes de la maison où s'était retirée la fille d'Abraham s'ouvrirent à 2 battants. Marguerite était couverte de vêtements noirs ainsi qu'une veuve. À la vue d'un homme dont le visage était taché de sang et les vêtements chargés de poussière et de boue, elle recula. « Reconnaissez-moi, je suis le serviteur de M. de la Guerche, » dit Magnus. « M. de la Guerche est en péril de mort. Je viens vous dire, sauvez-le. » Et il lui raconta ce qui s'était passé dans le jardin du roi. « Grand Dieu, mais il y va de sa vie !» s'écria Marguerite. « Je le sais, et c'est pour cela que je viens à vous. Il y a un homme qui s'appelle le comte de Vasaborg ?»« Oui, » murmura Marguerite qui tressaillit. « Cet homme vit à la cour, vous le connaissez, et il peut s'approcher du roi quand il veut. » Marguerite appuya sa main tremblante sur un meuble. « C'est vrai, quand il veut, » reprit-elle. « Eh bien, un mot pour le comte de Vasaborg, qu'il voit le roi sans délai, qu'il lui parle de M. de la Guerche, ce mot, je me charge de le lui porter, où qu'il soit. » Marguerite saisit un coffret d'ivoire qui était serré dans un meuble, l'ouvrit, en tira un papier, y ajouta quelques mots rapidement, le signa, et glissant cette feuille pliée en 4 dans une boîte. « Allez, » dit-elle, « je ne devais me servir de ce talisman que pour moi, ou pour un être qui m'est plus cher que la vie. » Mais il s'agit de M. de la Guerche, le voilà. Courez maintenant, et ne perdez pas une minute. Où que soit le roi, vous le verrez, je vous le jure. Dites-lui alors que le fils du comte de Vasaborg et Marguerite Cabellio prient pour lui. » Une minute après, Magnus galopait sur la route qu'avait suivie le roi. « Ah, je savais bien qu'il fallait frapper au cœur, » disait-il. Mais tandis que Magnus cherchait les 2 régiments de cavalerie que Gustave Adolphe allait inspecter, la cour de justice à laquelle les crimes de lèse-majesté étaient déférés instruisait le procès d'Armand Louis. Il ne pouvait être ni bien long ni bien compliqué. Le flagrant délit était constaté. De plus, M. de la Guerche était étranger et il avait blessé son adversaire contre lequel, de son aveu, il avait tiré le premier l'épée. L'arrêt était donc écrit d'avance. L'interrogatoire terminé, Armand Louis fut reconduit en prison. Au moment où la porte allait se refermer sur lui, M. de la Guerche retint Arnold de Brahe. La cour devant laquelle je viens de paraître, dit-il, met-elle un temps bien long à rédiger la sentence? Voulez-vous la vérité? Je suis gentilhomme et soldat. Elle vous sera lue ce soir. Et exécutée? Demain, à midi. C'est-à-dire que j'aurai la tête tranchée avant que le 12e coup ait sonné. Oui. Dieu me fera la grâce de mourir un homme de cœur. Mais il y a une personne à laquelle je voudrais envoyer ma dernière pensée. Si je vous priais de vous charger de cet adieu suprême, accepteriez-vous? Je ne vous connais que depuis quelques heures, monsieur. Cependant, toute mon estime et mon amitié vous sont acquises, ordonnées. Merci. Armand Louis tira de son doigt la bague que Mademoiselle de Souvigny lui avait donnée en d'autres temps et la glissa dans une lettre qu'il remit à M. de Brahe. Celle à qui vous parlerai devait être un jour la comtesse de la Guerche. Vous lui direz que son nom sera sur mes lèvres avant mon dernier soupir. » Peu de minutes après, Arnold de Brahe se présentait chez M. de Pardaillan. Il fut reçu dans une grande pièce au milieu de laquelle se trouvaient Mademoiselle de Souvigny, Diane de Pardaillan et Jean de Werth, qui comptaient, pour réussir dans sa mission et malgré un premier échec, sur des intrigues nouées à la cour. « Mademoiselle de Souvigny, » dit Arnold en entrant. « C'est moi, monsieur, » répondit Adrienne, qui se sentit pâlir sans savoir pourquoi. Arnold tira de sa poche la lettre de monsieur de la Guerche. « Pardonnez-moi, mademoiselle, si la première fois que j'ai l'honneur de me présenter devant vous, dit-il, mon devoir m'oblige à vous porter le plus rude coup. »« Ah, diable !» murmura le baron qui ne s'attendait pas à cette visite. « Grand Dieu, monsieur de la Guerche !» s'écria mademoiselle de Souvigny. Elle n'osa pas continuer, mais le bouleversement de ses traits parlait pour elle. « Monsieur de la Guerche, que je quitte à l'instant, poursuivit monsieur de Brahe, m'a chargé de vous remettre ce pli. » Vous quittez monsieur de la Guerche et... » De nouveau Adrienne ne put pas continuer. Les plus horribles pensées traversaient son esprit. Tout semblait les confirmer. En prenant la lettre que lui présentait monsieur de Brahe, elle sentit sous ses doigts la bague qu'Armand Louis y avait glissée. « Ah, il est mort !» s'écria-t-elle. Si mademoiselle de Pardaillan ne l'avait pas soutenue, elle serait tombée. « Hélas, pas encore !» murmurait Arnold. Mais rappelée à elle par un effort désespéré de sa volonté, mademoiselle de Souvigny brisa le cachet de la lettre, l'anneau glissa entre ses doigts. « Ah, monsieur, voyez » dit-elle. Et livide, folle de terreur, les yeux hagards, elle tendit la lettre à monsieur de Pardaillan. Monsieur de Pardaillan la prit, et dès les premiers mots, « Armand Louis en prison ?» s'écria-t-il. « Monsieur de la Guerche condamné à mort pour crime de lèse-majesté ? Comment cela ? Pourquoi ?»« Monsieur de la Guerche, il était donc en Suède ?» dit Jean de Berthe d'un air innocent. Adrienne s'empara des mains d'Arnold. « Mais monsieur, c'est impossible. Il n'a rien fait, il n'est pas coupable. Monsieur de la Guerche, c'est l'honneur même. Le tuer est un assassinat. On ne le condamnera pas. Il se trompe. Dites-moi qu'il se trompe. » Arnold détourna la tête pour ne pas laisser voir qu'il pleurait. Adrienne courut vers monsieur de Pardaillan. « Vous le sauverez, n'est-ce pas ? » reprit-elle. « Vous le connaissez à présent, vous l'aimez. On vous a dit ce qu'il a fait à La Rochelle. Vous ne laisserez pas mourir un si brave gentilhomme. »« Oui, oui, tout ce qu'il est humainement possible de faire, je le ferai, » répondit monsieur de Pardaillan. « Et je vous y aiderai, » ajouta Jean de Verte. « Hâtez-vous alors, » reprit Arnold. « Les heures sont comptées. » Adrienne s'arracha des bras de monsieur de Pardaillan. « Vite, chez le chancelier Oxenstern. C'est le plus puissant des ministres. En l'absence du roi, il le remplace. » Et suivie de monsieur de Pardaillan, elle sortit de la chambre en courant. Diane n'avait pas quitté Jean de Verte des yeux. « Et moi, » dit le baron, « je vais faire agir mes amis. » « Ah, le misérable, il le savait, » murmura Diane. Il soupira en pensant que si Renaud avait été en Suède, ce terrible malheur ne serait pas arrivé. Cependant, Adrienne et monsieur de Pardaillan venaient de forcer la porte du chancelier. Du premier élan, Adrienne tomba aux pieds du puissant ministre. « Monsieur de la Guerche, » dit-elle, et la voix lui manqua. Le chancelier avait été informé par un rapport de tout ce qui s'était passé la veille. Il connaissait les détails de l'interrogatoire et prévoyait la sentence terrible qui devait frapper le prisonnier. En présence d'une guerre prochaine et lorsque la fièvre du duel s'était répandue dans l'armée suédoise, pouvait-on, si on voulait que la discipline fût maintenue, se mettre en travers de la justice et en casser les arrêts? Tel n'était pas l'avis du chancelier, et la pensée politique donnait une force nouvelle à sa froide sévérité. Cependant, la vue de mademoiselle de Souvigny l'émut, il la releva. « Rien n'est encore désespéré, le roi peut faire grâce, » dit-il. « Ah, si le roi était à Karlskrona, serais-je ici ?» s'écria Adrienne. Le vieux ministre sourit. « Mais vous, » reprit-elle, « ne pouvez-vous pas envoyer une dépêche, ordonner de sursoir à l'exécution, que sais-je, enfin le sauver, par pitié, je vous en prie. » Adrienne était suspendue aux mains du ministre, il agita une sonnette. « Que toutes les pièces relatives à l'interrogatoire de monsieur de la Guerche et à son arrestation me soient remises, » dit-il en se levant. Monsieur de Pardaillan comprit qu'il fallait se retirer. « Monsieur le chancelier, monsieur de la Guerche est un de mes parents. J'ai servi la Suède et son roi au prix de mon sang. Que ce sang entre dans la balance où votre justice pèsera la vie du prisonnier. » Le chancelier Oxenstern s'inclina sans répondre. « Oui, » pensa-t-il après que monsieur de Pardaillan eut entraîné mademoiselle de Souvigny, qui pouvait à peine se soutenir. « J'écouterais peut-être la pitié si je n'étais le ministre d'un royaume qui va se jeter tout entier dans une guerre terrible. Mais si je l'écoutais, que deviendrait l'armée aux prises avec des habitudes qui ont coûté au roi tant de bons serviteurs, à la Suède tant de braves officiers. » Adrien n'osait pas interroger M. de Pardaillan. Celui-ci n'osait pas parler. Il avait trop l'expérience du langage des cours pour se méprendre sur la résolution du ministre. « Ma fille, » dit-il enfin, « remettez votre âme aux mains de Dieu. Si le chancelier ne se laisse pas toucher par nos prières, j'ai d'autres amis. Je chercherai le roi, et s'il est trop loin pour que j'aie l'espoir de l'atteindre avant l'heure fatale, je ne prendrai plus conseil que de mon désespoir. Je réunirai mes serviteurs. Ma main, usée au service de la Suède, peut tenir encore une épée. Et dussé-je m'exposer à 1000 morts, j'arracherai M. de la Guerche au billot. Ah, de quel droit rendrai-je votre vraie fille orpheline? Et cependant, je n'ose pas vous dire, ne le faites pas, s'écria Mademoiselle de Souvigny. Elle rentra à l'hôtel de Pardaillan, glacée par une terreur qui ne lui laissait presque plus la faculté de penser. Chaque bruit qu'elle entendait, le roulement d'un tambour, l'éclat d'une trompette, le tumulte d'une foule ou le pas d'un escadron en marche, lui semblait le signal du supplice. Quelquefois elle se reprenait à l'espoir. Il lui paraissait impossible que tant de jeunesse, de générosité chevaleresque, de courage, de loyauté, fut jetée en pâture au bourreau. Quoi ? Monsieur de la Guerche, qui avait la religion de l'honneur, lui qui ne tirait jamais l'épée que pour la défense du bon droit, exécuté comme un criminel ? Tous ses sens se révoltaient à cette pensée. Il fallait, pour que cela arrivât, que toute justice eût disparu du milieu de la terre. Une partie de la journée s'écoula dans ces alternatives d'espérances vagues et de craintes menaçantes. Adrienne y laissait le peu de force qu'elle avait pu conserver. Diane pleurait auprès d'elle. Monsieur de Pardaillan ne rentrait pas, ni Jean de Verte non plus. « Ah, je le verrai du moins !» cria tout à coup Adrienne. Et elle courut vers la prison de Monsieur de la Guerche. Un grand silence enveloppait la funèbre prison. Le pont-levis est élevé, le nombre des sentinelles doublé. Arnold se promenait lentement le long du fossé. Glacé à la vue de ces noires murailles d'où ne sortait aucun bruit, Adrienne, les mains jointes, se traînait jusqu'à lui. « Une heure, un instant, que je le vois !» dit-elle. Mais de nouveaux ordres avaient été envoyés dans la journée. Il était formellement interdit de laisser pénétrer personne auprès du prisonnier. Mademoiselle de Souvigny s'épuisa en vaines supplications. Malgré la fièvre qui faisait trembler sa voix, Arnold fut inflexible. Soldat, il obéissait à la consigne donnée aux soldats. « S'il ne s'agissait que de ma vie, je vous l'offrirais, dit-il. Cette fois, il s'agit de mon honneur. »« Mais il est donc perdu, » s'écria Adrienne. « Après le roi, il y a Dieu, » répondit Arnold. C'était bien plus un cadavre qu'une femme que Diane ramena chez son père. Anéantie, brisée, agitée de tressaillements nerveux, Mademoiselle de Souvigny tomba sur un fauteuil. Elle n'avait pas de larmes, pas de sanglots. Il lui semblait que la vie se retirait d'elle, comme le sang s'écoule d'une blessure, goutte à goutte. Elle s'en réjouissait confusément. Son seul espoir était alors de mourir en même temps que M. de la Guerche. « Il verra combien je l'aimais, » pensait-elle. Au plus fort de cet état d'accablement, la voix de Jean de Verte la fit tressaillir. Le baron demandait à lui parler. Il voulait la voir seule. « Laisse-moi, » cria Adrienne à Diane. Diane hésita. « Je n'aime pas cet homme, » dit-elle. « Et moi donc, crois-tu que je l'aime? Mais il s'agit peut-être d'Armand, va. » Diane sortit et passa sans répondre au salut de Jean de Verte. « Patience, j'aurai ma revanche, » murmura le baron. Adrienne, qui tout à l'heure ne pouvait faire un pas, courut vers lui. « Vous venez pour Monsieur de la Guerche, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Ah, monsieur, » reprit-elle les mains jointes, « que dois-je espérer? Parler ?»« Rien, peut-être. » « Tout, peut-être aussi. Ordonnez, que faut-il faire ? Êtes-vous sincèrement prête à tout, à tout ? Pensez-y bien. C'est me faire injure que d'en douter. Et s'il s'agissait de vous-même ? De moi ? S'écria Adrienne qui chancela. Écoutez-moi bien, mademoiselle. La vie d'un homme est ici en jeu. Il faut donc que je vous dise les choses comme elles sont. Après, vous déciderez. Il présenta un siège à Mademoiselle de Souvigny et s'assit auprès d'elle. « Monsieur de la Guerche est condamné, » reprit-il. « Mais le chancelier, je l'ai vu, il m'avait promis. » Le chancelier a signé l'arrêt. « Mais le roi ?»« Sa Majesté le roi est à 20 lieues d'ici, peut-être plus loin. et au premier coup de midi, M. de la Guerche sortira de prison pour marcher au lieu du supplice. » Adrien ouvrit la bouche, mais ses lèvres blanches ne purent articuler aucun son. « Cependant, si vous le voulez, je puis voir le roi, et grâce à un talisman que je possède, obtenir de lui la grâce de M. de la Guerche. » Mademoiselle de Souvigny leva sur Jean de Werth des yeux suppliants. La colère, l'indignation, l'effroi, l'étonnement, tout s'y mêlait. « Vous pouvez le sauver ? » s'écria-t-elle. « Et déjà, vous ne l'avez pas tenté ?»« C'est ici, mademoiselle, le moment de nous expliquer, » répondit Jean de Werth. « Je ne suis pas de ces chevaliers qui entreprennent de courir les aventures pour se faire les redresseurs de tort et les défenseurs de l'opprimé. Quand je prête, je veux qu'on me rende. Donnant, donnant, voilà ma loi. » Adrienne sentit son cœur trembler. Elle commençait à comprendre. « Vous savez, mademoiselle, » continua Jean de Werth, « que votre main m'a été promise par monsieur de Pardaillan. Vous me l'avez obstinément refusée et vous me la refusez encore. J'y tiens toujours cependant. Accordez-la-moi, et je vous jure que j'emploierai toutes mes forces à sauver monsieur le comte de la Guerche. » « Vous voulez ? Mais c'est le prix du sang que vous me demandez. Je aime monsieur de la Guerche autant que je vous aime, et cependant je le sauve. Pourquoi le ferais-je si vous n'étiez pas à moi ? Mais je ne vous aime pas !» Jean de Werth se leva. « Vous connaissez mes conditions. Je ne discute pas. Voulez-vous être la femme de Jean de Werth, oui ou non? Tout est là. Si vous dites oui, je pars, je verrai le roi, j'obtiendrai du chancelier que l'heure de l'exécution soit éloignée, et peut-être arracherai-je monsieur de la Guerche à la mort. Si vous dites non, alors ce sera vous qui l'aurez tué. Par pitié !» Jean de Werth tourna les yeux vers une grande horloge dont on voyait tourner les aiguilles dans un coin de la pièce. « Chaque minute qui passe, c'est la vie de monsieur de la Guerche qui fuit. « Prenez garde qu'il ne soit trop tard. » Il fit quelques pas du côté de la porte. Adrienne tomba à genoux. « Ah, c'est terrible !» s'écria-t-elle. Jean de Werth se retourna. « Vous me haïssez donc bien, » reprit-il, « et vous voulez que je le sauve, lui. Oh, ne l'espérez pas. L'amour que vous avez allumé dans mon cœur est une fièvre. Je vous adore, et j'irai follement vous livrer à cet implacable ennemi. » Si vous avez pu le penser, ah, vous ne connaissez pas Jean de Werth. Je ne pardonne jamais. Dites que je suis cruel, féroce, plus dur que le marbre, plus farouche qu'un tigre, soit. Je vous aime. C'est entre monsieur de la Guerche et moi un duel sans trêve ni merci. Il est vaincu, j'en profite. Mais gardez-vous de m'accuser. Un mot aurait suffi pour le sauver, et ce mot, votre bouche se refuse à le dire. Si maintenant sa tête tombe, c'est vous qui l'aurez voulu. Restez donc responsable de ce sang qui va couler. Voyez, l'heure marche. Adieu. Arrêtez ! S'écria mademoiselle de Souvigny, qui saisit Jean de Werth par le bras. Consentez-vous ? Serait-il sauvé au moins ? Que craignez-vous ? Si j'échoue, vous serez libre. Eh bien, allez ! Qu'il vive, et ma main vous appartiendra. Comptez sur moi maintenant ! S'écria Jean de Werth, et posant ses lèvres sur la main glacée d'Adrienne, il se précipita dehors. C'est peut-être moins alors sur la bague d'Armand Louis qu'il comptait que sur son titre d'ambassadeur. Le roi de Suède pourrait-il refuser quelque chose à l'envoyé extraordinaire de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, au moment même où cet ambassadeur allait prendre congé de lui? Il savait que le roi Gustave Adolphe, en quittant le quartier des deux régiments de cavalerie qu'il était allé inspecter, se rapprocherait de Karlskrona pour se rendre à Elfsnab. Il avait donc la presque certitude de le rejoindre. Comme Jean de Werth traversait une galerie la tête haute, Diane, effrayée de l'air de triomphe répandu sur sa physionomie, entra précipitamment chez Adrienne. Elle la trouva les joues livides, les yeux remplis de fièvre. « J'ai vu Jean de Werth, » dit mademoiselle de Pardaillan. « Il riait, il m'a fait peur. » « Tu ne sais pas. » « Il sauvera monsieur de la Guerche. »« Lui ?» Adrienne répondit par un signe de tête affirmatif. Mais ses yeux avaient un éclat si fiévreux, la pâleur de ses joues était si livide, quelque chose de si incompréhensible se voyait en elle, que mademoiselle de Pardaillan devina que quelque chose d'extraordinaire la menaçait. « Grand Dieu ! Quel prix a-t-il donc demandé ?» Un cri déchira la poitrine de mademoiselle de Souvigny. « Ah, tu le connais bien, je l'épouse, s'écria-t-elle. Le misérable, et tu as pu. Oh, pauvre Adrienne. Je veux qu'il vive, lui. Mais va, je tiendrai ma promesse. Et ma main donnée, Jean de Verte n'aura qu'un cadavre. Adrienne, s'écria Diane. Mais Adrienne se dégagea des bras de Mademoiselle de Pardaillan. Avais-tu donc pu croire que, vivante, j'appartiendrais à celui que je hais? Car m'en sois sauvée, alors je mourrais.